Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Radio Campus. Lille. 106,6. FM. Contre-culture. Random. Random. Émission radiophonique. Un dimanche sur deux. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. Lille. C'est Random. 106,6 MHz. 106,6. À cœur du groupe Dégénéré Sciences Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random. L'émission préférée des M-Tech. Oh, comme c'est fort. Bonsoir et bienvenue sur Random, Radio Campus. Donc on se retrouve pour la dixième émission. Dixième émission, donc voilà. Donc ce soir avec nous on a Little Charlie, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a CLX. Bonsoir. Et DB. Bonsoir, bonsoir. Et on a Martigan. À la technique. Ça s'est peut-être vu au début, un petit blanc, c'est la marque de fabrique de Martigan. C'est signé. C'est signé. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire le petit plan de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc dans les news, on va reparler de Google en Chine, la suite du feuilleton un peu, on avait déjà parlé. On verra comment risque d'évoluer la fibre optique en France. On fera un petit tour aussi sur le débat sur les nanotechnologies qui apparemment a du mal à déboucher sur quelque chose. On verra aussi que Microsoft s'est fait voler un document sur la politique de collecte d'infos sur les utilisateurs et leur méthode de collaboration avec les services de police. On verra ça un petit peu en détail. On fera un petit tour aussi sur OpenDNSSEC et ses signatures des DNS racines. Ensuite, on va passer au développement. Donc on verra un petit peu la place du numérique et de la culture hacking dans les médias. Et ensuite, on parlera du projet Networken. Voilà, après un petit agenda. Et voilà, tout ça entrecoupé de petites pauses musicales. Et voilà. Donc voilà. Bon, je vais commencer l'émission. Donc alors, Google en Chine. On avait déjà parlé des tribulations de ce moteur de recherche pas chinois en Chine, histoire de reprendre un petit peu, petite blague lunette en passant. Donc c'était le 12 janvier. Google annonçait qu'ils arrêtaient de filtrer les requêtes sur le google.cn. Et ça à cause d'attaques qu'ils avaient qui avaient touché un certain nombre d'entreprises, dont Google, mais il n'y avait pas que Google dans l'affaire. Et Google, en fait, c'était un peu échaudé parce qu'ils avaient remarqué que les comptes Gmail qui avaient été piratés. Les comptes Google Mail, c'était des comptes qui appartiennent toujours à des personnes qui sont connues comme étant opposants au régime chinois. Donc ça les avait un petit peu, ça avait fait un petit peu tiquer Google, qui avait dit oh là, on arrête tout. Et donc là, l'enquête était en cours en fait. Et le 19 février, le New York Times lâche une bombe en expliquant que, selon ses renseignements, il y a deux écoles, Google et puis les autres entreprises, parce que Google a fait une enquête de son côté, les autres entreprises ont mandaté des enquêteurs privés qui ont également ramené des éléments. Google avait des petits arrangements avec un certain nombre d'offices de renseignements américains, notamment la NSA, etc. Donc il y a eu un certain nombre de renseignements qui ont été collectés, et puis le New York Times nous balance ça et nous dit que globalement les attaques, elles proviennent, ou elles sembleraient vraiment provenir, de deux universités chinoises relativement connues, une à Shanghai, elle s'appelle la Jiaotong University, et puis la Zhangyang Vocational School. Et donc l'université Jiaotong de Shanghai est une des meilleures facs d'informatique du monde, qui rivalise en fait avec Stanford et autres. Et donc il semblerait qu'en fait le modèle de en termes d'intelligence économique, la Chine semble évoluer vers un modèle où où ils dispatchent un petit peu, ils distribuent un petit peu leur force de frappe dans des facs, dans différentes institutions de ce type-là, histoire de passer un petit peu en dessous du radar et puis de que ça se voit pas trop en fait que le gouvernement chinois balance comme ça des attaques sur un certain nombre de cibles internationales et plus spécifiquement américaines. Donc voilà, la suite du feuilleton, bah on verra un petit peu ce qui se passera, et puis on en reparlera dans Random par la suite. Alors, ensuite, on devait parler des fibres optiques. Sans transition, hein. Donc sans transition, les fibres optiques. Alors, il faut savoir que il se passe pas mal de choses, en fait, à l'heure actuelle, dans le milieu, dans le milieu du réseau. Donc des autoroutes de l'information, hein, pour reprendre le terme usité, et donc les réseaux de les autoroutes de l'information à l'heure actuelle, ce qui va arriver, c'est le très haut débit, parce qu'il faut bien comprendre que la fibre optique, ça fait très très longtemps qu'on en parle, et là en ce moment, on commence à vraiment en parler de plus en plus, et on commence à voir apparaître des choses, mais c'est encore très très loin de, c'est encore très très loin de ce qu'il faudrait que ça soit. Qui passe des trucs là dans les micros. Ça passe dans le micro, ouais. C'est... La technique qui fait des tests, et ça passe dans les micros. On s'excuse au passage. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, bah, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement français a lancé un grand emprunt national. Donc, ce grand emprunt national, il va y avoir plein de thunes. Et notamment, des choses qui vont être financées par ce grand emprunt national, il va y avoir un plan fibre. Donc l'idée, elle est de faire construire, grâce à l'argent du grand emprunt, faire construire les autoroutes de l'information, des fibres optiques, et puis faire ce qu'on appelle du FTTH, donc Fiber to the Home, c'est-à-dire des déploiements de fibres optiques qui vont jusque au domicile de l'abonné. Et ça se fait pas parce que personne veut le faire, parce que ça coûte cher, parce que la DSL ceci, parce qu'il faut faire passer cela... Et puis parce qu'il faut des accords avec les collectivités territoriales et parce que c'est beaucoup d'argent, mine de rien. Et les gros veulent absolument des conditions qui ne sont pas saines. Ils veulent de l'exclusivité. On a eu ça dans le Pas-de-Calais, on a eu un cas comme ça où un opérateur dit oui, vous avez pas la DSL chez vous, nous on vient et puis on pose nos fibres et puis après derrière vous payez nos fibres et vous nous donnez l'exclusivité, sinon on met pas l'internet dans votre village. Donc des conditions comme ça. Et donc il faut comprendre que les gros ne font rien dans la fibre optique. Et là, miraculeusement, il y a des tas de thunes qui vont arriver pour ces personnes-là. Du gros cash, hein, parce que c'est l'emprunt national, c'est pas une petite subvention comme ça, vite fait, c'est vraiment le grand emprunt national, avec un plan fibre au niveau national et tout, donc voilà. Et donc là, miraculeusement, d'un coup, comme ça, donc lemonde.fr et 01net nous expliquent que voilà, les opérateurs décident de bouger. Il faut juste comprendre que c'est un effet d'annonce. On en reparlera la semaine prochaine avec une personne qui s'occupe beaucoup de ces questions-là, de réseaux libres en fait, hein, donc des petits opérateurs locaux qui font de la DSL, qui font de l'internet, et qui permettent en fait de mettre un petit peu de concurrence dans ce gros monde de brut. On en reparlera donc un peu, mais l'idée c'est quoi? C'est que les gros opérateurs d'infrastructures et opérateurs de réseau font énormément d'effets d'annonce en ce moment, disant oui, on va déployer des fibres et tout, mais faut pas se laisser avoir. L'idée, elle est uniquement de récupérer le pognon du grand emprunt, du plan fibre, et puis derrière, il y aura pas de fibre qui bougera, il y a rien qui bougera, parce que sur le terrain, concrètement, il se passe strictement rien d'intéressant et de réellement concret. Donc voilà. Donc après, il y avait le débat sur les nanos. Alors le débat sur les nanos, c'est encore pour moi. Je suis tout seul à parler ce soir, c'est génial. Donc le débat sur les nanotechnologies, alors on en a pas mal parlé, on en a parlé un petit peu dans les premières émissions et puis également au fur et à mesure du temps. Donc sur le débat sur les nanotechnologies, l'idée c'est qu'il y avait une caravane publicitaire qui avait été donc créée sous l'égide du CNDP, donc la Commission nationale des débats publics. et qui avait donc fait le tour de la France pour aller expliquer que les nanotechnologies c'est bien, que ceci, que cela. Il y avait un certain nombre de personnes qui se sont bougées, notamment le collectif Pièces et Main-d'œuvre, collectif grenoblois, qui est très très remonté sur les nanotechnologies, mais qui est sur une ligne un petit peu technophobe, qu'on n'est pas forcément d'accord avec eux, mais qui ont raison sur le fond, à savoir qu'il n'y a pas de vrai débat sur les nanotechnologies. Ils ont réussi leur coup. C'est-à-dire que dans la plupart des villes où se sont passés les débats, les débats n'ont pas eu lieu parce qu'ils ont été chahutés, parce qu'il y a eu des problèmes, parce que ceci, cela. Les deux dernières réunions publiques n'ont pas eu lieu. Et puis la grande réunion publique à Paris qui devait se passer ces jours derniers n'a eu lieu, mais une réunion publique d'information qui a eu lieu sur invitation seulement. Bon, donc il n'y a plus grand-chose de public, donc voilà. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que l'information est remontée quand même jusqu'à la presse nationale, et pas n'importe quelle presse, Les Échos, et donc Les Échos de l'économie, et Le Figaro. Le Figaro qui n'hésite pas à titrer « Débat public sur les nanos, une déroute ». Donc voilà, et qui reprend un petit peu les arguments du collectif Pièces et Main-d'œuvre, à savoir pas vraiment d'études sur la toxicité, pas vraiment de débat, pas vraiment d'explications, et puis de toute façon, les choses sont claires puisque les investissements ont déjà été réalisés. Et puis aussi, il y a tout ce qui est recherche en acceptabilité de la part des chercheurs en sociologie pour faire avaler la pilule des nanotechnologies. Ah bah oui, voilà. C'est des budgets déjà énormes. On retrouve, il y a des labos entiers au Minatec pour faire accepter les nanotechnologies. Donc le Minatec, c'est un gros pôle de compétences pour les nanotechnologies. À Grenoble. Ouais. Et donc voilà, vous aurez plus d'informations là-dessus sur le site du collectif Pièces et Main-d'œuvre, et puis également sur nanomonde.org qui a rediffusé un petit peu au jour le jour la déroute de ce débat sur les nanotechnologies. Et on va enchaîner sur une petite pause musicale. Oui, voilà, une petite pause musicale. Et c'est le moment de nous appeler si vous voulez tout expliquer. Voici quoi. Vous pouvez nous joindre au 0320 91 24 00 pendant les pauses musicales ou sur le canal random du réseau silk.dg-sc.org. Toutes les infos sont sur lille.dg-sc.org/random. Reviens. Tu t'amuseras, je te le promets. Voilà, donc retour dans les studios. Voilà, donc on va continuer avec Microsoft qui se fait piquer ses documents apparemment. Oui, donc le site cryptom.org. Donc un site assez connu qui a pris pour habitude en fait de fuiter comme ça des documents gouvernementaux, des documents un petit peu secrets, un petit peu sulfureux comme ça. Bon, qui a un peu une réputation de site web conspirationniste et tout. Et donc là, cette fois-ci, eh bien, ils ont publié un document secret de Microsoft. Donc c'est un document sur les méthodes de collaboration avec les organes de police et de renseignement, et ainsi que les informations sur les informations qui sont captées et divulguées ensuite aux forces de police, parce qu'il faut comprendre que Microsoft n'a pas simplement que le pouvoir de capter un certain nombre de vos données et des nôtres au passage, mais également eh bien, il y a une collaboration active avec les services de police. Et donc, c'est un document de 22 pages qui s'appelle donc le Global Criminal Compliance Handbook. Donc, c'est-à-dire le guide d'utilisateur le guide d'utilisateur global donc de collaboration dans les enquêtes criminelles. Et donc c'est un document de 22 pages en fait qui a été publié par crypto.org. Et Microsoft a utilisé donc la DMCA, donc le Digital Management DMCA. Je sais plus comment. C'est Digital Millennium Copyright Act. Copyright Act, c'est ça. Donc ils ont argué qu'en fait et ben c'était un problème de. Puisque c'est des informations copyrightées qui ont été publiées, donc ils ont utilisé ce truc-là pour faire tomber, pour faire carrément mettre hors ligne le site web complet. Donc heureusement, il y avait des archives, et puis heureusement, d'autres ont réutilisé ce. Enfin, il y avait des sauvegardes d'ailleurs sur le net, et puis d'autres sites ont republié le truc, notamment Wired. Donc un gros webzine américain qui date. Enfin, qui fait un peu figure de. De gros médias internet, et Wired a donc republié le document en question complètement. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce document? Eh ben, on trouve des informations sur tout ce qui est parce que c'est une notice explicative à destination des services de police, donc qui explique quelles sont les informations captées, comment est-ce qu'on peut les obtenir, comment les interpréter, à qui demander, etc. Donc c'est un document assez hallucinant sur parce que globalement Microsoft c'est quoi? Microsoft, bon bah c'est MSN, on savait déjà que les communications MSN ne sont pas secrètes, elles passent par les services de Microsoft qui les enregistrent, qui se permet de les regarder parfois en live, donc avec un certain nombre de contrôles et de censure là-dessus. Non, justement dans le document il est précisé que les conversations sont pas enregistrées. Il y a une ça passe par le serveur, donc on peut écouter, mais elles ne sont pas enregistrées. D'accord, ils n'ont pas la possibilité d'enregistrer. Il y a par contre du filtrage en temps réel, des URL qui sont postées. Ouais, ça, on sait, on a déjà tous eu le coup, au moins une fois, copier-coller un site web à la con, et puis se rendre compte que ça ne l'affiche pas dans MSN. Donc voilà, donc il y a MSN, il y a Hotmail, donc Hotmail c'est vos mails, donc on peut savoir qui a consulté ces mails, depuis où, à quelle heure, depuis quel ordinateur, etc., quels sont les mails qui ont été lus, à qui on a envoyé des mails, à qui on en a... Voilà, donc ça c'est, bon, bah Hotmail, toutes les personnes qui utilisent Hotmail ou des services comme ça, du même type, Gmail, etc., La Poste, faut savoir que ça existe et c'est concrètement utilisé tous les jours. Il y a tous les jours des gens qui se font, qui ont des ennuis à cause de ça. Et c'est également la Xbox, c'est également les moteurs de recherche, etc. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de données sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et faut savoir que voilà, Microsoft, il y a une collaboration active avec les services de police et de renseignement, et que c'est un vecteur d'ennuis policiers. Voilà. On peut peut-être enchaîner pour dire que quand on sait que Microsoft est un vecteur d'emmerde concrète là-dessus, on peut se demander un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Donc il y a un certain nombre de choses intéressantes à faire du côté de l'auto-hébergement, du côté de l'hébergement des services chez des opérateurs propres, par exemple des associatifs, des choses comme ça. Et puis pour la messagerie, pour remplacer MSN, on a Par exemple Jabber qui est en train de monter en puissance. Surtout par rapport à MSN qui, rappelons-le, a concurrencé, je sais plus comment c'était le service qui avait inventé l'IM au début là. C'était le truc de d'AOL. AOL, IM. Ouais, IM et puis un autre. Et Microsoft a senti venir le truc et a proposé MSN en standard avec chaque Windows. Et donc c'est comme ça qu'ils ont explosé le marché. Même aujourd'hui, il y a une alternative vraiment prometteuse qui s'appelle Jabber. Alors Jabber, c'est un protocole qui est déjà crypté. Ensuite, il n'est pas centralisé, c'est-à-dire c'est pas comme MSN, par exemple, les jours où MSN déconne. Ok, ça arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Alors c'est rigolo parce que dans ce cas-là, plus personne ne peut parler avec plus personne. Alors ça fait des allers-retours au-delà les liaisons transatlantiques et tout ça. Bon, donc Jabber est non centralisé, ça veut dire que si on parle avec un ami français alors que son serveur Jabber est en France, ça commence pas à traverser des pays dans tous les sens. C'est un peu la philosophie d'Internet, quoi. Si on le coupe en deux, ça fait deux moitiés d'Internet qui fonctionnent. Et pas une moitié qui fonctionne, une moitié qui est morte et qui pourrit par terre. Donc pour créer un compte Jabber, rappelons-le, il faut d'abord créer un compte. Par exemple, alors là il faut trouver un fournisseur. Par exemple, je vais citer Apinc. APINC. Là, il faut aller là-bas, aller sur le site, créer un compte. Et ensuite, il faut télécharger un client Jabber. Alors là, c'est pas évident parce qu'il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui font du multi-M, qui font à la fois IRC, MSN, Jabber, Silk. Vous pouvez voir le canal de l'émission en homme. Et il y en a qui sont spécifiquement pour Jabber. Et là, en général, c'est les mieux adaptés. Ouais, il y a Pidgin, c'est bien, non ? J'hésitais à en parler. Ouais, celui que j'utilise personnellement, c'est Pidgin, qui permet d'aller sur plein de protocoles en même temps. Et notamment sur Silk et sur le serveur Silk. Les gens ont bien compris, là. Et l'avantage, quel que soit le client Jabber, on peut créer directement son compte, la plupart du temps, en téléchargeant le logiciel et en rentrant juste son identifiant et son mot de passe. Va proposer la première fois de créer le compte automatiquement sur le serveur, donc on n'a pas à aller sur un site, remplir un formulaire, tout ça, ça se fait automatiquement. D'accord. Donc c'est de la messagerie instantanée en logiciel libre, des communications chiffrées et sécurisées, donc c'est un protocole qui est ouvert, documenté et sécurisé avec du SSL, donc un truc très standard et prouvé. Oui. Alors pour avoir une liste de clients pour à peu près tous les systèmes, apinc.org propose une page là-dessus, c'est jabber.apinc.org, jabber.apinc.org. Voilà. Mais il y aura les liens de toute façon dans le résumé. Donc Microsoft, Google, etc., etc., pas de fatalisme, on peut largement vivre en se passant de ces grosses multinationales américaines. Ah d'un coup ça va mieux là. Je suis rassuré. On va peut-être passer à OpenDNSSEC. Et à la signature des racines DNS. Tout alors, donc, pour parler d'OpenDNSSEC, il faut parler un peu du DNS. Donc le DNS, c'est quelque chose qui fait la traduction entre un nom de domaine, par exemple apinc.org, et son adresse IP, son adresse où est stocké le serveur. L'adresse réseau. Et donc sur le DNS, tout est basé. Parce que quand on fait du jabber, il y a une requête DNS qui est faite. Quand on va sur un site web, c'est pareil. Chaque fois qu'on clique. Quand on télécharge un logiciel sur un miroir, c'est la même chose. Et le problème, c'est que ce dialogue, il n'est pas sécurisé. Quand on demande im.apinc.org, on n'a rien qui nous dit que c'est vraiment ça la réponse, qu'elle est fiable. Puisque quand on est chez Free, ça va passer par Free, par les serveurs DNS de Free. Quand on est chez Orange, par les serveurs DNS d'Orange. Voilà, y a des intermédiaires et il n'y a rien pour sécuriser le... il n'y avait rien pour sécuriser l'enregistrement DNS. Tu veux dire que c'est faillible à l'attaque du mec du milieu? Oui, on peut intercepter et changer la réponse. On en avait parlé, ça, de l'empoisonnement de cache DNS. Stéphane Bortzmeyer avait fait un excellent article là-dessus. Oui. Et donc là, en fait, depuis des années, il y a un protocole, il y a une surcouche à DNS, des enregistrements supplémentaires, pour pouvoir signer les enregistrements et donc pour pouvoir certifier la réponse. Donc là, même s'il y a quelqu'un entre deux qui va changer la réponse, ça va pas marcher. On va lui dire non, la signature elle est pas valide. C'est un peu comme du GPG, mais pour les noms de domaine. Mais le problème, c'est que c'est assez compliqué à mettre en place. Donc là intervient la version stable, donc la version 1.0 de OpenDNSSEC, qui est un petit logiciel pour pouvoir signer les zones. À la fois les zones et les enregistrements, et pour pouvoir mettre facilement en place une infrastructure DNS sec. Et donc ça se fait à peu près dans la même période, là depuis 2-3 semaines, il y a les signatures, les routes, les DNS racines, ceux qui gèrent la zone racine en fait, qui commencent peu à peu à se signer les uns après les autres. Donc on va bientôt pouvoir avoir du DNS sécurisé. Voilà. Donc il ne faut pas oublier d'ouvrir le port TCP pour les requêtes DNS, parce que ça va faire grossir les requêtes DNS. Voilà, forcément. Donc, voilà. Ah oui, du coup, et ça ne passe plus en UDP. Non. Obligé de passer en TCP. La signature va faire que le paquet va être trop gros. Voilà, ce qu'on discutait la dernière fois. Ensuite, soit on fait une petite pause musicale, soit on passe au développement. Qu'est-ce que vous en dites? Une petite pause musicale. Une petite pause musicale, ça ouais. Peut faire. Ben voilà, on se retrouve tout de suite après. Thank you. bienvenue, retour dans les studios. Donc je vais annoncer la piste de tout à l'heure, j'avais oublié. Donc là, vous venez d'entendre Henry Valère de Bad Loop. Et tout à l'heure, c'était Highland Coup de Lukash, qu'on peut retrouver sur lukash.com. Donc voilà, on vous mettra tous les liens. Voilà, voilà. Donc là, nous allons passer au petit développement. Donc on va voir la place du numérique et de la culture hacker dans les médias. Comment allons-nous voir ça ? On peut peut-être commencer par la radio et les émissions de radio qui existent au niveau du... qui traitent spécifiquement du numérique et des logiciels libres et de la contre-culture hacker. Alors, on s'est volontairement limité aux radios associatives parce que c'est ce qui rentre dans notre cadre à nous, donc les radios libres et associatives françaises. Et déjà, premièrement, il n'y a pas d'émissions réellement hacker. Par contre, il y a des émissions logiciels libres. Voilà, donc on en a retenu quatre. Donc en premier, il y a la Voix du Libre, qui est une émission de radio sur les logiciels libres. Donc ça traite d'actu, essais, présentation de logiciels. Ils ont un site web assez bien fait, moi j'ai trouvé, il est complet. Il y a des petites photos qu'ils prennent dans le studio, c'est rigolo. Une présentation assez bien de l'invité. On sent que, moi j'ai trouvé que c'était une émission assez mûre. C'est carré, ça file bien. Et voilà. Un truc intéressant et que je pense que nous, il faudra qu'on travaille ça, c'est la possibilité d'écouter l'émission en fait directement sur le site. Donc on fait play et puis comme ça on... Il y a déjà sur le site de Campus, il y a un player sur le site de Campus. Ouais, oui, bien sûr, mais je parlais sur nous. Ça m'a bien botté, moi, le fait de pouvoir écouter l'émission. Ah, d'accord. Et quand, voilà, je les écoute et je lis le site web en même temps, en fait. Okay, donc, tu peux naviguer sur les liens, etc., etc. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé ça pas mal fait. Sinon, il y a Symbiose que j'ai pas réussi à écouter. C'est un dimanche par mois. Donc, apparemment, c'est le premier, puisque la suivante, c'est le 7 mars. Donc, c'est sur Radio Libertaire. C'est de 14h à 14h30. Ça parle de la culture libre en général. Hein, donc, c'est logiciel, musique, livre, etc. On vous mettra les liens. C'est une émission qui est assez connue parce que, par exemple, quand ils veulent parler d'OpenBSD, ils font venir deux développeurs d'OpenBSD. Il y a une excellente émission que vous pouvez trouver. Je pense qu'ils ont les archives, mais ils ne sont pas super bien organisés au niveau des archives. Il faut effectivement les chercher pour les trouver. Mais il y avait une excellente émission avec deux développeurs français d'OpenBSD. D'accord. Ok. Oh, un petit truc que j'ai pas dit sur la Voix du Libre, c'est québécois. C'est québécois. Donc oui. Il y a de l'accent. Et puis on peut leur faire voilà. On peut leur faire un petit coucou parce qu'ils ont parlé de nous dans leur dernière émission. Donc. Exact, c'est vrai. D'ailleurs, ils ont fait un petit amalgame en disant que l'île DGSC.org, c'était une faculté. C'est une radio qui se trouve sur une fac qui s'appelle Radio Campus, mais on n'est pas la fac, quoi. Voilà. Donc un petit coucou. Après, il y a VELCS. Alors ça veut dire vous êtes libre ce soir. Et c'est tous les mardis. Alors c'est 15 à 20 minutes. Pardon. Ça traite un sujet. Des fois il y a de la musique, des fois il n'y en a pas. Des fois il y a des invités. Donc voilà. Donc c'est petit sujet. Par contre, c'est tous les mardis. Ouais. Donc voilà, ça je l'ai dit. Le site Poutweb, c'est un tout petit résumé. Et, on peut écouter également l'émission sur le site. Et ensuite, il y a Good Morning Stallman. Donc... J'ai rien dit. Je croyais que j'avais dit une connerie, ce coup. Non, mais Good Morning Stallman, faut le faire pour appeler une émission comme ça. Ah, c'est rigolo. Moi, je trouve ça drôle. Sympa. C'est un petit clin d'œil, moi, je trouve ça sympa. Et voilà. En tout cas, sinon, l'émission au niveau contenu, pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ça traite... moi, celle que j'écoutais, ça traitait un sujet à fond. Notamment, c'était la version Adopi. Version belge. La version belge, voilà. Et voilà, ils vont... Avec le site... À aller voir absolument Adopi Mayonnaise, le collectif de lutte contre l'Adopi belge. Donc voilà pour le petit tour des radios que nous connaissons. Voilà, voilà. Donc sinon, dans les médias qui parlent donc de nouvelles technologies, il existe des magazines, des tas de magazines. Il y a sur la sécurité informatique, il existe MISC, il y a le Linux Magazine sur le logiciel libre. Donc il y en a à foison. Et je pense que ça fera l'objet d'un sujet un peu plus développé sur un peu une rétrospective des différents magazines informatiques, des sujets qu'ils traitent. Mais là, pour des magazines imprimés, je me suis plutôt concentré là sur trois magazines radicalement différents. Donc pour voir la façon dont ils traitent le numérique. et la société de l'information. Donc il y a trois magazines qui sont très très différents. Il y a le premier, c'est Famille Éducation, donc le numéro 469 de 2007. Donc, il y a pas mal de décalage au niveau des époques des différents magazines. Donc celui-là date de 2007. Donc, Famille Éducation, c'est le magazine de l'appel ou une appel. Donc c'est l'Union nationale des parents d'élèves de l'éducation libre. Donc ça donne clairement le. Ça donne clairement le truc, ouais, tout à fait. Avec les liens avec l'asso, c'était Famille de France. Non, c'est proche de Famille de France, mais ce n'est pas Famille de France. D'accord. Donc le deuxième magazine, c'est un magazine plutôt libéral, plutôt pour les un magazine pour les cadres. Les cadres. Donc c'est Enjeux les Échos, le mensuel de l'économie. Donc là, il est un peu plus vieux. Il date, donc c'est le numéro 206 d'octobre 2004. Et sinon, donc le dernier magazine, c'est No Pasaran, le magazine antifasciste proche donc du Scalp. Et donc c'est le numéro de l'hiver 2009-2010, donc le numéro 77. Voilà, donc j'ai un peu détaillé les différents magazines, les différents points de vue. Ça détonne pas mal. Donc je vais commencer par le premier... Le plus caricatural, à mon avis, donc c'est Famille et Éducation. Il y a donc 9 pages et 21 articles. Alors, ça commence assez fort avec, donc, en première page, ça titre sur « Dévorante machine ». Ils grandissent un écran sous les yeux et un iPod aux oreilles, tout en tripotant un clavier. En quoi cela change-t-il leur comportement et le climat de la famille? Comment accompagner cette déferlante numérique? Et avec... en lien avec Microsoft, hein. En gros... Comme ça, tranquille. Donc voilà. Donc en gros, dans les 21 articles, globalement, il y a un grand réquisitoire contre la pornographie, les jeux vidéo, l'addiction que ça peut représenter, mais sans vraiment détailler pourquoi l'addiction se présente, comment le résoudre. C'est un peu pas mal d'épouvante. Je trouvais que on essayait de dire oulala, la technologie c'est dangereux. Et, sur 21 articles, il y en a 20 qui émettent des critiques, des mises en garde sur les risques de la technologie. Sur le risque d'addiction, il existe, mais on verra après la façon dont c'est traité dans No Pasaran, qui est radicalement différente. Et qui explique d'où ça vient. Et, voilà. Wow. Il faut noter quand même qu'il y a un article qui est plutôt positif et qui explique que les jeux vidéo, en fait, construisent le joueur. Il l'aide à... Les jeux vidéo vont aider à travailler certaines aptitudes, à nourrir certains raisonnements, et donc ils vont avoir un rôle dans la construction de la personne, dans la construction du joueur. Voilà. Et donc il y a le dossier qui se termine sur un article, sur une interview de Marc Mossé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Marc Mossé, c'est un monsieur de chez Microsoft. Alors, je ne sais plus si il était responsable juridique ou PDG ou... Bref, je pense que tout l'article pourrait tenir dans le dernier paragraphe tout le dossier pourrait tenir dans le dernier paragraphe donc de l'interview où il y a Marc Mossé qui parle des soucis qui peuvent se poser, mais il dit que c'est pas avec des outils technologiques, c'est avec un suivi de l'éducation que on va régler les problèmes et pas voilà. Donc il a plutôt tendance à dire ces soucis on peut les régler avec un peu d'éducation et il a tendance à minimiser certains Un mec de Microsoft qui minimise les effets pervers des technologies sur le système familial à la française. Dans le premier paragraphe, il présente quand même les technologies mises en place par Microsoft, antivirus et logiciels de contrôle parental pour protéger les enfants. Ils vendent quand même son produit avant. C'est juste parce que c'est la fin et qu'il faut terminer sur une note positive. Les informations que Microsoft capte et balance à la police, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ensuite, il y a les enjeux et les échos, donc le numéro 206 d'octobre 2004, où là, le dossier est beaucoup plus grand. Donc, il y a 19 pages, 30 ou 40 articles, relativement un peu fouillis. Rien que dans l'édito, on a un peu tout. On parle de la loi de Moore avec les processeurs dont les capacités doublent toutes les 18 mois. Ça parle du télétravail, du fait que la technologie peut rendre un peu plus individualiste. Donc là, il y a un peu plus de réflexion que dans Famille de France. Il y a... C'est pas Famille de France, c'est... Dans Famille Éducation. Désolé. Famille Éducation. Désolé. Famille de France, ils réfléchissent, mais pas comme il faut. Mais donc voilà. Ce que j'ai noté, c'était un enthousiasme fort pour les RFID et les Smart Dust. Donc les Smart Dust, c'est ce qu'on appelle des poussières intelligentes, des petits capteurs autonomes extrêmement petits qu'on va disséminer un peu partout. Donc la nanotechnologie. Pas vraiment de nanotechnologie parce que c'est encore à l'échelle macro, mais ça tend vers ça. Et donc il y a un enthousiasme sans borne avec pas vraiment de réflexion sur les risques potentiels qu'il pourrait y avoir. Là, c'est de la technophilie consumériste à fond. Il y a peu de détails dans les articles sur la technologie en elle-même, sur les usages, sauf l'article sur les technologies mesh. Où là, on parle un peu d'OLSR, donc un protocole de routage adapté pour les mèches, de sécurité des données et de sécurité du routage, d'attack man in the middle. À mon avis, ça doit être proche du fait qu'il y a un ingénieur système qui est interviewé dans les deux articles. Et ça a dû être l'interviewé qui a dû contribuer à améliorer la qualité. Il y a quelques informations sur les radiotechnologies, donc l'ultra wideband, le Zigbee, le Bluetooth, mais ça reste vraiment. On présente des technologies, un catalogue, on vend en fait. D'ailleurs, ça se voit dans l'article sur l'IPv6 qui montre une pure vision utilitariste de l'IPv6, la traçabilité de l'ordinateur avec son adresse MAC qui est dans son adresse IPv6. La mobilité, mais pas pourquoi ça existe, à quel problème ça répond, Donc d'un côté, les bonnes familles françaises qui ont peur de la technologie et qu'on essaye d'entretenir dans cette peur-là pour pouvoir leur vendre des antivirus Microsoft. D'un autre côté, le consumérisme technologique et technophile des magazines pour cadres. Et alors maintenant, un petit peu un magazine sur le monde militant. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Et donc le magazine sur le monde militant, donc c'est No Passaran, un magazine un peu anarch-libertaire, plutôt... Antifa. Antifa. Donc là, en fait, c'est... Le dossier fait 12 pages, donc moins que les enjeux, mais quand même beaucoup plus fourni. Il y a une introduction sur les changements profonds de la société que les nouvelles technologies apportent, sur le passage d'une société hiérarchisée à une structure horizontale. Bon. Notamment, ils prennent le cas donc, des logiciels libres, des réseaux en peer-to-peer, de la messagerie instantanée. Où au niveau de l'information, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus direct. Et au niveau du contenu, pareil, les hébergements sont beaucoup plus... beaucoup plus horizontal. Le web collaboratif, etc. Ouais. Il y a aussi un article sur les dépendances aux nouvelles technologies, les dépendances aux jeux vidéo. L'article se concentre beaucoup plus sur les causes de cette dépendance, sur le fait que c'est une fuite en avant de personnes qui se sentent mal parce que leurs conditions familiales ou de travail ne sont pas bonnes, et que c'est l'expression d'un mal, mais que ce n'est pas un mal, bah que voilà, ouais, qu'on peut travailler dessus, et que c'est faut pas. C'est un mal social. C'est l'expression d'un mal social. Voilà. Y a un article sur les technophobes, sur les refuseniques, qui est pas mal, qui explique un peu pourquoi bah il y a des gens qui vont lutter un peu contre la diffusion de la technologie. Et voilà. Y a des dossiers extrêmement complets sur les hackers et le logiciel libre. Sur les logiciels libres, il y a toute une explication sur les quatre libertés, sur le fondement philosophique et non pas technique des logiciels libres, les a priori qu'on peut avoir sur les logiciels libres ils sont cassés. Sur l'article sur les hackers, il y a une définition du hacker comme bidouilleur, comme un passionné de technologie qui va transcender la technologie, et non pas comme le méchant criminel. Et, d'ailleurs, il s'amuse un peu de la définition faite dans les médias mainstream. voilà. Pirate. Il y a pas mal de personnes qui sont interviewées. Il y a notamment le créateur de Samizdat et donc d'autres militants. Donc c'est un truc qui est beaucoup plus vivant, qui est beaucoup plus proche. Je pense de notre point de vue et des infos qu'on donne. Et ça se termine par un gros dossier de 4 pages dans 2 articles sur donc, l'information veut être libre et donc le deuxième article, c'est l'éthique multiplie les lois. Et donc ça fait ça retrace l'historique du monde militant de l'Internet, du monde militant des logiciels libres, l'évolution des lois, les évolutions culturelles. Donc on n'échappe pas à certains trucs folkloriques, mais c'est vraiment le dossier le plus complet et où on sent que les gens ont laissé tomber de côté leur a priori et ont vraiment cherché à se documenter, à faire une analyse poussée. Donc voilà. On connaît un peu les auteurs, on sait quel est leur parcours ou pas spécialement. Parmi les auteurs, bon, il y a beaucoup de, il y a quelques pseudonymes qui reviennent. Globalement, on sent qu'il y a quand même un bagage technique fort que dans les 2 autres magazines. Mmh. Est-ce que ce serait pas tout bêtement des hackers qui sont dans des orgas, antifa? Pour certains auteurs, c'est possible, mais à mon avis. C'est un peu des personnes à cheval entre les différents milieux. Mais, d'accord. Bon, c'est difficile de savoir qui est vraiment derrière ces articles. En tout cas, c'est pas le but du jeu. On n'est pas là pour fliquer non plus les auteurs de ce type de magazine. C'est pas à nous qu'il faut demander ça. Ah non, du tout. Non, c'était vraiment pour voir quel était le genre d'auteur qui avait écrit ça, pour voir si, tout bêtement, c'était un vrai journaliste qui n'y connaissait rien, mais qui a vraiment bien bossé, ou si c'était des gens qui étaient déjà impliqués dans le milieu et qui donc... connaissait déjà avant de faire l'article, quoi. Il doit y avoir une certaine implication de la part des auteurs. Il y a un peu des deux. Donc il y a des passerelles un petit peu entre le monde le monde militant spécifiquement antifasciste et puis un petit peu le milieu hacker. Ça se voit un petit peu comme ça. Il y en a partout des passerelles. Ouais. Donc on va repartir avec une petite pause musicale et puis voilà, petite pause musicale. We'll be right back. Voilà, donc de retour dans le studio. On va repartir sur le développement. On va conclure avec le sujet qu'on avait là, donc les numériques, vote par les anards, enfin, dans les médias en général. Et ensuite, on parlera du projet NetworkN. Non, on va parler du projet NetworkN tout de direct, suite. Direct, d'accord, ok. Juste vite fait. Pardon. Donc juste vite fait, donc vu qu'on n'a plus beaucoup de temps. Exact. Donc le projet NetworkN, c'est un projet de mutualiser en fait des ressources, donc des, par exemple des serveurs DNS, des résolveurs DNS, de mettre en place donc un réseau décentralisé, un réseau de VPN décentralisé. Des donc, serveurs miroirs, des sauvegardes, des MX secondaires pour les serveurs mail. Un réseau de messagerie instantanée, donc éventuellement du Silk. C'est pas comme Toilib, pas comme d'autres projets. On serait bien de faire un développement un peu plus poussé, mais là on est un peu pris par le temps. Donc en fait là c'est un peu un appel à venir se fédérer. C'est pour les personnes en fait qui ont des structures autogérées, peut-être pas autogérées, mais d'auto-hébergement en fait. Parce que quand on fait son site web à la maison avec sa petite ligne ADSL, le problème c'est qu'on a qu'une seule ligne ADSL et que si la ligne ADSL tombe, on n'a plus de site web, plus de mail, plus rien. Donc le but du jeu c'est de se mettre à plusieurs pour pouvoir répliquer des infrastructures auto-hébergées. Et puis poser son serveur mail de secours chez les copains. Les copains, on héberge leur serveur mail de secours. Et donc du coup, en fait, on se fait une petite structure comme ça, décentralisée, pour donc mettre en contact et puis mettre également à profit, mutualiser la technologie, tout ça, c'est ça ? Ouais. Donc voilà, s'il y a des personnes intéressées, qu'elles prennent contact avec nous et puis on pourra lancer le projet. Il y a un site web pour l'instant ? Il y a networkn.org, mais pas très rempli. D'accord, c'est encore ton Drupal. Donc tout de suite, on va passer à l'agenda. Alors l'agenda, qui est probablement l'agenda le plus fourni de l'histoire de Random. Donc il y a déjà, dans 20 jours, il y a la deadline pour rendre les appels à contribution pour... les contorsions technologiques. Un peu avant, il y aura... Donc ça, c'est le 20 mars. Je vais les annoncer dans l'ordre, peut-être. Donc, le 5 mars, vendredi 5 mars, meeting 2600 Lille, 19h30, Grand Place de Lille. Toutes les infos sur www.2600lille.org. Dimanche 14 mars, prochaine émission de Random. Donc, toujours sur Radio Campus Lille, toujours 106,6, toujours 19h-20h. Le lendemain, lundi 15 mars... Donc il y aura une conférence outils libres pour l'entreprise. Donc c'est dans le cadre des outils libres pour l'entreprise. Donc c'est dans le cadre des lundis des libertés numériques organisés par l'association CLX. Donc outils libres pour l'entreprise. Bon, dans le cadre des libertés, lundi des libertés numériques, faire un lundi des libertés numériques là-dessus, pourquoi pas. Mais je préférais la conf précédente sur la cryptographie des mails. Il reste à peine une minute là. Ok, donc conférence débat le 16 mars, donc le mardi 16 mars, conférence débat sur la loi LOPSI, c'est au Centre Culturel Libertaire et c'est organisé par le groupe des Générés Sciences Lille. Donc 16 mars, pour voir un petit peu, faire le point sur la loi LOPSI, ce qui va nous tomber sur la gueule, etc. Du mardi 16 au jeudi 20 mars 2010, le salon Solutions Linux Open Source 2010, c'est à Paris, porte de Versailles. Le groupe des Générés Sciences Lille tiendra un stand, donc venez nous voir, on boira des bières, ce sera cool. Samedi 27 mars 2006, atelier hacking OpenWRT au Centre Culturel Libertaire, donc organisé par le groupe des Générés Sciences Lille. Et puis mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 2010, Forum International sur la Cybercriminalité, c'est à Lille Grand Palais. Voilà, à dans deux semaines. À dans deux semaines. Bonne soirée à vous. Voilà.